Allez, ramène en tout cas, ce qui est sûr, c'est que eux, ils en parlent mieux que nous. Et je vous propose de retrouver, mesdames et messieurs, Johan Bredov, Johan Guillet, Quentin Martel et Antoine Ballet pour le Max Sport. Bonsoir, messieurs. Enfin, bonjour. Les titulaires, le journal des sports. Et bonjour à tous, merci d'être avec nous sur StudecWeb pour cette émission des titulaires. Au sommaire, le journal des sports avec un tour d'horizon complet de l'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Évidemment, il sera question de la Ligue des Champions avec les quarts de finale de retour qui débutent ce soir. Manchester City devrait être fort pour renverser Liverpool après leur défaite 3-0 au match aller. Du côté du Barça, les Catalans se sont mis en très bonne posture en s'imposant 4-1 la semaine dernière face à la Roma. On restera dans le foot ensuite, mais dans le foot virtuel. En effet, la FFF a annoncé la création d'une équipe nationale d'e-sport, de quoi un peu plus ancrer cette discipline en tant que sport officiel. Enfin, petit tour par la NBA. Aux États-Unis, les playoffs sont en vue pour les franchises. Trois équipes se sont qualifiées cette nuit, il ne reste donc plus qu'une place. C'est la dernière ligne droite. Juste après le journal, le débat du jour concernera l'arrivée toute proche, selon l'équipe, de Thomas Tuchel au PSG. L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, réputé pour la qualité de jeu qu'il inculque, aura fort à faire. Alors choix bon, mauvais, par défaut, les titulaires en débattront. Et si vous n'êtes pas à jour sur les principaux événements à suivre aujourd'hui, pas de problème, vous saurez tout à la fin de l'émission. Restez bien avec nous. Avec moi, les indiscutables, les meilleurs, Antoine Ballet, Johan Guillet et Quentin Martel. Bonjour messieurs. Salut, bonjour capitaine. Capitaine. Et comme prévu, on passe tout de suite au journal. To make almost the perfect game. So create a lot of chances, be clinical. When you create the chances, concede few chances. Les Reds bénéficient d'un écart assez conséquent après leur belle victoire 3-0 en Anfield la semaine dernière. L'attaque de feu de Liverpool avait littéralement surclassé la défense des Citizens en inscrivant 3 buts en 30 minutes. Les hommes de Pep Guardiola, pourtant déclarés parmi les favoris, se retrouvent en position défavorable. Et pour le coach espagnol, pas d'autre solution, il faudra que tous les ingrédients y soient pour se qualifier. To go through, you have to make almost the perfect game. So create a lot of chances, be clinical. When you create the chances, concede few chances. And the chances we're going to receive, you know, defend well and our keeper save it. All the conditions. So you have to make the almost perfect game to go through because the result is tough. It's 3-0, but you have 90 minutes. And football, and all the sports, basketball, all the sports, everything can happen. Ça n'a pas été traduit, petit problème. Pep Guardiola a simplement dit qu'il fallait tous les ingrédients pour réussir ce match. Il fallait ne pas prendre de but, attaquer, réussir ses occasions et surtout réaliser le match parfait en tout point face à une attaque de feu de Liverpool. Liverpool qui arrivera en pleine confiance, hein, messieurs, mais peut-être sans son homme fort Mohamed Salah. L'Égyptien était sorti prématurément au match aller après avoir ressenti une douleur à la cuisse et sa présence reste incertaine. Mohamed Salah, depuis le début de la saison, c'est 38 buts et 11 passes décisives en 42 matchs, toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, c'est 8 buts et 2 passes décisives en 10 matchs. Mais on le sait, les hommes de Jürgen Klopp ont bien d'autres qualités. Alors messieurs, ma question sera simple et en un mot, pour vous, qui va l'emporter ? Pour moi, ce sera Manchester City. Allez. Ah, moi, je pense que Liverpool va rester en forme et va éliminer les Citizens. Je pense que ouais, Liverpool va continuer sur sa lancée, clairement. Et on espère donc, pourquoi pas, un comeback. On verra bien. En Bundesliga, Leipzig s'est incliné lourdement à domicile face à Leverkusen 4-1. Le Bayern revient à 4 points de la deuxième place, occupé par Schalke 04. Espérons la même déconvenue jeudi face à l'OM au Vélodrome en quart de finale retour de la Ligue Europa. En Ligue 2, Lens a fait match nul 1 partout contre Nancy qui reste premier relégable. Les 100 et Or prennent la 15e place et restent à 6 points des Nancéens. En football féminin, la France rencontrait le Canada hier et les Bleus, sur un pénalty d'Eugénie Le Sommer en début de match, se sont offert une belle victoire 1-0 face à l'une des meilleures nations mondiales. De quoi prendre la confiance en perspective de la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine. En France, football toujours, mais qui ne se joue pas sur le terrain, mais dans un canapé, dans un fauteuil, sur une table ou alors assis par terre, en tout cas avec une manette. La Fédération Française de Football a annoncé la création d'une équipe d'e-sport, Antoine. Et oui, Johan, la 3F a annoncé la nouvelle hier sur Twitter. Elle continue sa stratégie de développement digital et de séduction auprès des jeunes. Alors comprenez, séduire les geeks fans de FIFA. Car c'est bien une sélection du célèbre jeu de football qui aura désormais son équipe frappée du maillot du coq. Et qui fera partie de cette sélection ? Alors pour le savoir, 16 candidats ont été présélectionnés, 12 sont issus d'un tournoi de qualification sur le jeu ouvert à tous, les 4 autres ont été choisis par le sélectionneur Fabien David et Dineo. Ces 16 s'affronteront dans le tournoi et les 4 premiers formeront cette équipe de France virtuelle. Et cette équipe, on pourra la voir quand ? Alors pour l'instant, ce ne sont que des matchs d'exhibition qui auront lieu contre d'autres sélections nationales du même type, mais le domaine de l'e-sport est en telle expansion que ça peut aller très très vite et on n'est pas à l'abri d'une compétition officielle internationale dans quelques années. Et ça, c'est novateur ? Alors au niveau international, oui, c'est relativement nouveau, mais les clubs de foot s'intéressent depuis quelques années au sport électronique et pas que sur FIFA. Ça a commencé avec Beşiktaş sur le jeu League of Legends, puis Fenerbahçe toujours en Turquie et Schalke 04 en Allemagne ont suivi. Depuis, c'est une véritable explosion et en France, c'est le PSG et l'OL qui se sont lancés avec FIFA et Overwatch. Et Et selon certaines rumeurs, le prochain club qui pourrait se créer une structure e-sport, c'est le Real Madrid. Et le club madrilène a notamment été coaché par un grand professionnel, Fabio Capello. Hier, à 71 ans, l'entraîneur italien a décidé de stopper sa carrière d'entraîneur pour se consacrer à son rôle de consultant. En 27 ans d'exercice, Capello, c'est 5 Serie A, 4 Supercopa, 2 Liga, une Ligue des Champions en 94 avec le Milan AC et une Supercoupe d'Europe. Ciao Fabio, guten Tag, Thomas. Et oui, Paris a trouvé son nouvel entraîneur pour la saison prochaine en la personne de Thomas Tuchel. L'équipe en fait d'ailleurs sa une du jour. L'officialisation n'est plus qu'une question de timing et on en reparle juste après dans le débat du jour. 9 matchs de NBA se sont déroulés cette nuit. Le sprint final pour la course au play-off est en cours. Il ne reste désormais qu'une place qualificative, Quentin. Effectivement, Johan. Cette nuit a eu lieu un match extrêmement important pour les play-offs. Les Pelicans d'Anthony Davis affrontaient les Clippers de DeAndre Jordan. Ça a été un match serré et engagé qui s'est soldé par une victoire de la Nouvelle-Orléans 113 à 100. La star Davis a scoré 28 points, 6 rebonds et 2 passes décisives. Son compère Nikola Mirotic a lui planté 24 points. Côté Los Angeles, c'est un joueur initialement sur le banc qui s'est démarqué. Il s'agit de Sindarius Thornwell. Le joueur de 23 ans a scoré 20 points pour 32 minutes jouées. Donc c'est une victoire très très importante qui offre la qualification aux New Orleans. Il ne reste désormais que la 8e place sur la conférence Ouest qui est accessible. Et cette place se jouera probablement entre deux équipes, à savoir Minnesota et Denver. Les deux franchises sont à égalité parfaite concernant leur bilan de saison. 46 victoires et 35 défaites chacune. Malheureusement pour les fans, cette bataille risque de se terminer la nuit prochaine puisque ces deux mêmes équipes vont s'affronter. Minnesota aura l'avantage du terrain car ils joueront à domicile et il faudra à coup sûr un très bon Karl Anthony Towns pour l'emporter sur des Nuggets qui, mine de rien, restent sur 6 victoires de rang en venant à bout de la très belle équipe de Portland cette nuit 88-82. Merci Quentin, on rappelle à tout le monde qu'il reste 4 matchs pour chaque équipe avant le début des playoffs qui débuteront le 14 avril prochain. En tennis, la saison de terre battue a débuté pour les hommes et à Marrakech, le duel franco-français entre Benoît Paire et Gilles Simon a tourné en faveur de ce dernier. Gilou s'est imposé au tie-break dans le 3ème set. Au terme d'un match pauvre tennistiquement, mais au scénario un petit peu fou. Alors qu'il menait 7-0 et 5-3 dans le second, Simon a vu Benoît Paire renverser la vapeur avant d'accélérer en fin de match pour s'en défaire. Dans l'autre match du jour, Richard Gasquet, tête de série numéro 4 de ce tournoi, s'est défait de l'Italien Fabiano en 2-7. L'athlète Oscar Pistorius a définitivement été condamné à purger sa peine de 13 ans de prison pour le meurtre de sa compagne en 2013. Ayant toujours plaidé la méprise, disant avoir confondu Riva Steenkamp avec un voleur, l'athlète avait vu sa peine de 5 ans alourdie à 13 en 2015. C'est contre cette décision qu'il avait saisi la Cour constitutionnelle, mais son appel a été débouté hier. Amputé des deux jambes, Pistorius s'était rendu célèbre en participant au JO avec les Valides à Londres en 2012. Voilà pour l'actualité sportive de ce matin, on passe au débat. Les titulaires, le débat. Et comme je vous en parlais dans le journal, selon l'équipe, Thomas Tuchel, qui était libre depuis son éviction du Borussia Dortmund en mai dernier, devrait parachever un contrat de 2 ans plus une en option au PSG. Il serait même en train de former son staff. Alors Quentin, toi, tu penses que c'est une bonne idée, mais tu as un petit bémol. J'ai un petit bémol. En soi, sur le papier, c'est quelqu'un qui est vraiment attrayant. Il y a une vraie philosophie de jeu. Il a fait des merveilles avec Dortmund, tant sur la qualité de jeu, mais aussi, je rappelle qu'il a eu le record de points et ça en devient le meilleur deuxième de Bundesliga de l'histoire avec 78 points. Il fait mieux que Jürgen Klopp à l'époque. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Paris doit attirer des entraîneurs d'un standing bien supérieur. Voilà. Pour toi aussi, Johan, Thomas Tuchel, c'est un petit peu en dessous de ce qui pouvait être espéré à Paris ? En dessous, je ne sais pas, mais à Paris, le problème est bien plus profond que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une équipe où les joueurs commencent à prendre le pas sur l'institution. Et Tuchel, pour le coup, c'est quelqu'un qui est un gros travailleur, un gros bâtisseur, qui a un très très gros caractère. On se souvient qu'il est parti en conflit ouvert avec les dirigeants du Borussia Dortmund, notamment après l'affaire de l'attentat du bus qui avait été très mal géré selon lui, et il l'a répété à plusieurs reprises en conférence de presse. On rappelle, c'était contre Monaco en Ligue des Champions. En quart de finale de Ligue des Champions, exactement. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que les joueurs vont adhérer à quelqu'un qui vient et qui est bâtisseur comme ça ? Emery l'est, ça n'a pas adhéré. Ce n'est pas que la faute des joueurs, c'est également la faute de l'institution. Donc pour moi, Tuchel, ça ressemble à du Emery, mais côté allemand. Bah, tu viens de souligner un point que je voulais vraiment noter, c'est que Tuchel, réputé travailleur, fin technicien et technicien, intransigeant sur le niveau du travail et de la mentalité, comme Unai Emery. Entraîneur avec moins de références que le Basque sur la scène nationale et européenne, parce que son palmarès, c'est 2 championnats U19 avec Stuttgart et Augsbourg, une Coupe d'Europe avec le BVB. Si on veut ramener un entraîneur qui a du coffre, on disait éventuellement un entraîneur avec des galions, avec vraiment de l'expérience, c'est pas Thomas Tuchel. Et pour moi, ça ne changera absolument rien à la situation du PSG actuel. Et justement, tu parlais du palmarès de Tuchel. Tuchel, c'est quart de finale à chaque fois. et Paris souhaite dépasser le stade des quarts de finale. Ces quarts de finale en Ligue Europa en 2016 avec Dortmund, toujours avec Dortmund. Hein. Vous vous rappelez de ce match contre Liverpool, ce match fou. Complètement fou. Et quart de finale, bah, on en parlait, contre Monaco, où là non plus, l'équipe de Thomas Tuchel n'a pas réussi à passer les quarts. Quentin. Et justement, là, pour l'instant, Tuchel n'a pas dépassé les quarts de finale. Et moi, je me pose la question, est-ce que les joueurs vont accorder de la crédibilité à cet entraîneur ? Alors oui, il a fait des choses merveilleuses avec Dortmund, mais aujourd'hui, les joueurs du Paris Saint-Germain, ce qu'ils veulent, c'est la Ligue des Champions. C'est gagner la Ligue des Champions, c'est le but du Qatar et aussi. Et pour l'instant, il n'a pas cette crédibilité-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai peur que ce soit Emery Bis qui, avant de venir, avait gagné 3 fois la Ligue Europa avec Séville. Est-ce que ça peut amener quelque chose d'autre ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Et c'est le style de jeu qui pourrait convenir à Paris, justement, pour aller un petit peu plus loin ? Oui, franchement, oui. Mais Emery est totalement le style de jeu de base qui pourrait convenir à Paris. Mmh. Le problème, c'est que les joueurs n'ont pas la mentalité, pour l'instant, qui est en adéquation avec la Ligue des Champions. Et pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Et le problème, c'est plus haut, en fait. C'est pas l'entraîneur. Le problème, c'est qu'au PSG, on a un bazar au niveau des institutions qui est énorme. On parle souvent d'institutions. Là, c'est vraiment le mot pour le PSG parce qu'on a plein d'éléments qui sont externes aux sportifs. On a des agents comme Mino Raiola ou Pini Zahavi. Il y a Neymar Senior qui veut avoir son influence. Et dans le bouquin de Paris United qui est sorti il n'y a pas longtemps, on a appris qu'il y avait deux autres personnages. Donc Jean-Martial Ribes, qui est directeur de la communication, et même le médecin Eric Roland, qui ont leurs intérêts personnels et qui tirent l'équipe chacun dans leur sens. Avec ça, on peut mettre n'importe quel entraîneur. On peut mettre Mourinho, Guardiola, ça ne marchera pas. Donc pour toi, il va rien changer, Tuchel ? Non, rien de changé dessus. Ah, pour moi, vraiment, sur les joueurs, sur les recrutements. Je suis totalement d'avis avec Antoine. S'il y a rien qui change dans l'institution, tu peux mettre n'importe quel entraîneur, ça ne changera pas. Le problème, tu parlais des transferts, Johan, c'est que Tuchel, c'est un joueur qui à Dortmund a ramené éventuellement des pépites, et qui a ramené des joueurs qui sont plutôt des pépites, des joueurs en formation. Sauf que le problème, c'est qu'à Paris, on veut des stars. On recrute Neymar, on recrute des superstars, on veut du bling-bling, des paillettes. C'est pas dans l'ADN de Thomas Tuchel, c'était pas dans l'ADN de Unai Emery. On voit comment ça fonctionne. Et est-ce que aujourd'hui Tuchel a eu l'habitude de gérer des têtes aussi fortes en termes de comportement, en termes de caractère ? Parce qu'il y a beaucoup de gros caractères dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, il n'y en avait pas autant à Dortmund. Est-ce qu'il est capable ? Alors, il est un petit peu considéré comme le surdoué du foot, quelqu'un qui a du tempérament. Emery aussi. Mais je demande à voir, Emery l'était aussi. Non, mais ouais, je pense que ça, c'est pas un problème parce qu'il a quand même eu à gérer le cas Aubameyang. Qui est vraiment un cas compliqué. Ça allait. Aubameyang, c'est parti un petit peu sur la fin parce qu'Obam voulait de base partir et finalement il est un peu resté contre son gré. Mais pour le coup, ce qui est plutôt énervant, c'est que quand on parle d'Emery, et tu l'as dit à juste titre, Antoine, quand on parle de Tuchel, pardon, vous voyez, j'ai fait le lapsus et à juste titre, on a l'impression de parler d'Emery. Et ouais, voilà. C'est ça. Et finalement, Tuchel, c'est pas le nouveau Klopp ? On voit Klopp, ça marche bien. Il faudra peut-être un palier en plus, notamment en termes de palmarès, pour dire que Tuchel est le nouveau Klopp. Jurisprudence, Villas-Boas, Special, tout. Même effectivement, au niveau du caractère, ça va, mais c'est pas ça au niveau des institutions. Encore une fois, Klopp, il avait le soutien complet de sa direction, il faisait ce qu'il voulait. Tuchel ne fera pas ce qu'il veut au PSG si rien ne change au-dessus. Ouais, c'est vrai. Puis les joueurs ont énormément de pouvoir aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Enfin, c'est compliqué. La mentalité. Ouais, la mentalité, ouais, mais... Tuchel, apparemment, n'est pas l'homme qu'il faut. Je parlais, c'était le nouveau club, bah justement, dans le à suivre aujourd'hui. Et c'est la Ligue des Champions, évidemment, je rappelle les affiches. Hein. Donc Liverpool, l'équipe qui entraîne maintenant Jurgen Klopp, qui affrontera Manchester City à City. Et City tentera de renverser les Reds. Et aussi l'AS Rome qui accueille le FC Barcelone. Et l'AS Rome qui a perdu 4-1 au match aller. Là, ça va être un peu plus compliqué. En tennis aussi, à Marrakech, le jeune Calvin Emery, opposé à Garcia Lopez, tentera de rejoindre Richard Gasquet au deuxième tour. Et à Lugano, chez les femmes, Océane Dodin et Alizé Cornet sont sur le pont. Pour les fans de cyclistes, la classique Paris-Camembert est à suivre, mais sans le tenant du titre, Nasser Bouhanni, forfait de dernière minute. David Chimolaï fait office de grand favori. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs les titulaires, de m'avoir accompagné. On se retrouve très vite. À bientôt. Et merci les garçons. Le prochain Max Sport revient demain à la même heure.